La mixtape, unité d'élite. 89. Ça fait. RIFA, j'en prends scène et débarque avec un rastellonnais. Ce qui compte c'est l'honneur, moi mais des droits t'es du saignonné. Lyricalement parlant, j'suis une bête mais pas de foire. Dis pas qu'il y a pas d'effort, écoute un j'épète pas deux fois. La technique, voyons c'est surgelé. Le rap est frais, y'a des phases au rayon surgelé. Le son j'ai suggéré, on me l'avait suggéré. Si le temps juste le moral, bah dans le sud j'irai. Le rap de chez moi frère, est à son comble. Il est rare comme voir un frère se mettre à son compte. Tu l'apprécies comme ton verre de votre carré de bulldozer. Je suis un vrai bulldozer et je m'arrête plus de poser. Je vois les secondes qui passent comme toutes ces buts défilées. Chaque face que je pose est un but au fond des filets. Tu sens la patate hein, comme la frappe à l'Anders. Mon rap intacte et pour toi ça sent l'entorse. Écoute ce son, nettoie bien comme un sauce qui paye son que gré. T'étonne pas si je suis bouillant, la speed dépasse les 100 degrés. On fait couler sans des deux traits. Ça dénote entrée, j'ai des notes en tête. J'gratte un texte et quand tu l'entends tenter de monter le volume et prêter l'oreille. Car dans ce domaine j'évolue sans être pété d'oseille. Besoin d'un cône pour décoller car ma plume marche au kérosène. Ouais, le cœur ou le zen. C'est souvent que l'un des deux se brise, un conseil reste vrai. Si tu veux continuer dans ce biz, les trois quarts tu rap pas en couille. Moi ça me fait mal à croire qu'il faut s'attendre au featuring de Booba et Maé. Non j'ai pas le temps de parler d'eux. Moi je prends la prod par les seufs. RIFA pour les refs. Tu vois qu'on n'est pas paresseux. On représente pour la mixtape unité d'élite. Unité des frères à chaque phase on est en délit. Dernier couplet, toujours en finesse. Je vais te le faire comme tu les aimes. Parle pas de tes problèmes si dans le fond c'est toi qui les sais. Je te parle de rap, les punchlines, c'est moi qui les sais. Si t'es sûr de toi, je débarque et maquille la scène. Je vais te casser ton délire, ouais, comme un Mike qui l'arsène. Tu kiffes au final, c'est normal, c'est moi qui ai la recette. Je pose pour faire tous tes sauts, eux pour faire que des sous. Parmi tous ces MC, s'il en restera que des os. Je fais ce que j'aime, même si on me dit t'as pas raison. Et si t'as pas capté le délire, c'est que t'as pas de réseau. Derrière ça ricane, pourtant ça vient pas rire. En face, on attend ses pédales comme un but de Ribéry. En France, j'suis trop déter, s'te plaît. Dis-moi qui peut me stopper, j'ai l'art et la maîtrise. Pour ça, demande à Stockley, ma gueule, on reste fort. Car la vie fait pas de cadeau, mais une fois de plus, j'termine avec une victoire par KO. Eh ouais, mon pote, RFA frère, check pour Marshall. Tu sais.